Comment ça va ma belle? T'as quitté ton mec, ça dit quoi? C'est 5 étoiles l'hôtel. Bah ouais, je suis blindé, tu dis quoi? Le cœur en ciment. Si t'en as envie, on y va. Le lit est si grand. On pourra se noyer dans les draps. T'es nous sur le rein, t'es capuché. A 10 sur un chicken chica. Chez nous, c'est ma fée, j'ai boudien. C'est mort si tu me fais des petits points. L'effet de la substance me fait atteindre les étoiles. L'effet de la substance, ça me fait penser à toi. On danse comme ça, ça, ça, ça. Mélo, ça s'ambiance comme ça, comme ça. On aime trop ça, trop ça. Tout mélange, ça s'ambiance comme ça, comme ça. C'est nous les méchants, méchants dans la vie. C'est nous les méchants, méchants dans la vie. C'est nous les mauvais, mauvais dans la vie. C'est nous les mauvais, mauvais dans la vie. La fête à la cité. J'passe mon direct chez Hanouna. L'Ossa est diamantaire. Son est enfin libérable, confiance en personne. C'est Dieu qui donne, la fin c'est les sons. Non c'est pas la French Riviera. Bébé, t'as capté le C à l'antenne. J'suis dans le club, coin VIP, t'es resté à l'entrée. Parle-moi, Tika, la vie d'artiste, j'aime ça. En tournée dans toute la France, comme la self de Polska. On danse comme ça, ça, ça, ça. Mélo, ça s'ambiance comme ça, comme ça. On aime trop ça, trop ça. Tout mélange, ça s'ambiance comme ça, comme ça. C'est nous les méchants, méchants dans la vie. C'est nous les méchants, méchants dans la vie. C'est nous les mauvais, mauvais dans la vie. C'est nous les mauvais, mauvais dans la vie. On danse comme ça, ça, ça, ça. Mélo, ça s'ambiance comme ça, comme ça. On aime trop ça, trop ça. Tout mélange, ça s'ambiance comme ça, comme ça. C'est nous les méchants, méchants dans la vie.